L'Idiot, un feuilleton de Georges Govy inspiré de Dostoïevski. Avec pour ce premier épisode, Pierre Vanek, le prince Michkine, Jean-Jacques Delbeau, Lebedev, et Marcel Bozuffi, Parfen Rogojin. Musique d'Edgar Cosma. Réalisation Yves Dariet, avec la collaboration de Jacques-Élie Moreau. Cette nuit d'insomnie m'avait épuisé. La tête me tournait. Il me semblait que mon corps flottait sans consistance dans l'espace soudain dématérialisé. Puis la douleur. Une douleur qui ne m'est que trop familière s'est emparée de moi. C'était un peu comme si de longues aiguilles s'enfonçaient lentement dans mon crâne. La sueur mouilla mon dos et mon cœur cessa presque de battre. Je les avoir, c'était certain, un nouvel accès de mon mal étrange, pensais-je avec effroi. Et je me voyais déjà effondré sur le plancher crasseux du wagon, en proie aux vomissements et aux convulsions. Quelques minutes interminables s'écoulèrent ainsi. Puis la douleur se dissipa, me laissant sans pensée ni désir. Je tirai avec difficulté de ma poche une fiole et je bus une gorgée du médicament prescrit par mon médecin. En remettant la fiole dans ma poche, je surpris le regard du jeune homme qui était assis en face de moi. Il me dévisageait sans aucune retenue. Tout d'abord, il me déplut. Ses cheveux étaient noirs et bouclés, ses yeux petits et étincelants, comme allumés d'un feu ardent. Sa figure au nez camus, aux pommettes saillantes, aux lèvres minces et plissées par un sourire railleur, n'avait de noble qu'un front haut et blanc. L'homme paraissait solidement bâti. Cependant, une pâleur morbide recouvrait son visage. On y lisait quelque chose de passionné jusqu'à la souffrance. Il me dévisageait toujours. Et je me sentais de plus en plus mal à l'aise. Pour échapper à son regard perçant, je dis les premiers mots qui me vinrent à la bouche. La nuit n'en finit pas d'enfanter le jour. Vous parlez bien en russe, mais comme dans les livres. En effet, mon langage ne peut que vous paraître obscur, excusez-moi. Je voulais dire que le temps est si brumeux que le jour n'arrive pas à percer. Cette fois, je comprends mieux. Vous avez froid, hein? Ce train n'est pas chauffé, moi je n'ai rien. Nous sommes seulement en novembre. Attendez décembre et vous verrez. J'en frissonne d'avance. J'ai perdu l'habitude du climat russe, vous comprenez? Vous revenez de l'étranger, sans doute. Oui. Je reviens de Suisse. De Suisse? Ça doit être loin, la Suisse. Et vous êtes resté longtemps absent de Russie? Plus de 4 ans. Diable! Et que faisiez-vous en Suisse? J'y soignais une maladie nerveuse. L'épilepsie? Une sorte de danse de Saint-Guy, plutôt. Vous êtes en guéri? Non. Alors vous avez dépensé votre argent pour rien. Nous, les Russes, nous nous laissons toujours exploiter par les étrangers. Je regardais du côté du voyageur qui venait de tout sauter. C'était un homme d'une 40aine d'années, au nez rouge et au visage couvert de boutons. Un petit fonctionnaire usé par le service, sans doute, me dis-je. Comme lisant dans mes pensées, le voyageur s'empressa de confirmer le jugement que j'avais mentalement émis à son sujet. Oserais-je me présenter, messieurs? Je m'appelle Lebedev. Je travaille au ministère de la Justice en qualité de premier commis. Vous avez raison, les étrangers accaparent l'argent russe sans jamais rien donner en échange. Vous vous trompez, messieurs, en tout cas en ce qui me concerne. Le médecin qui s'occupait de moi en Suisse m'a entretenu assez frais pendant 2 ans. Cela se peut bien. Mais alors votre médecin n'était pas un vrai étranger? Oh, il ne l'était sûrement pas. De quelle droite mêles-tu à la conversation des gens que tu ne connais pas, tchinovnik de malheur? Je me suis permis de glisser quelques mots dans votre conversation, mais tout à fait par hasard, vos noblesses. Voyez-vous ça? Par hasard? Oui, sans m'en rendre compte. Veuillez m'excuser, vos noblesses. Dorénavant, je me tairai. Et tu feras bien, ver de terre. Vous n'avez donc pas de parents, monsieur, pour que ce médecin suisse ait été obligé de pourvoir à votre entretien? Non. Monsieur Pavlitchev, qui m'a envoyé en Suisse, est mort. Quant à la générale Yepanchine, que je considérais comme une cousine éloignée, elle a laissé ma lettre sans réponse. Où comptez-vous descendre à Saint-Pétersbourg? Je ne sais pas encore. Ah, je vois, je vois. Et probablement ce maigre baluchon contient tout votre avoir. Je suis prêt à parier, monsieur, que cela est ainsi. Mais pauvreté n'est pas vice, comme on dit. Et si la générale Yepanchine est réellement une parente de monsieur, ce baluchon en acquiert une valeur considérable. Cependant, monsieur peut se tromper par distraction, ce qui est très humain, ou encore par suite d'un excès d'imagination. Alors ce baluchon en question s'avérera irrémédiablement sans aucune valeur matérielle ou autre. Tu me dégoûtes, chien rampant. Cesse d'étaler ton bavardage sous mon nez ou Dieu me témoin. Je me tais, votre noblesse. Je me tais définitivement. Vous avez deviné, monsieur Lebedev. La générale Yepanchine n'est qu'une parente très éloignée. C'est pour cela sans doute qu'elle a laissé ma lettre sans réponse. Et cependant, vous n'avez pas hésité à débourser en pure perte le prix d'un timbre. C'est bien étrange. Je connais le général Yepanchine. Oh, uniquement parce qu'il est connu de tout le monde. J'ai connu également feu monsieur Pavlitchev qui vous a envoyé en Suisse. C'était un homme respectable. Il avait des relations importantes et possédait en son temps 4000 serfs. Est-ce bien cela? C'est bien cela, mais comment le savez-vous? Pourquoi vous étonnez? Ce genre de punaise fourçonnait partout. C'est moi que vous appelez punaise? Moi, un honorable fonctionnaire du ministère? Vous m'offensez inutilement, monsieur. Silence, tchinovnique de malheur! Je poursuis, monsieur. Ces punaises se promènent partout, les coups troués se nourrissent de ragots. Pour un misérable traitement mensuel de 15 euros. 17, monsieur, si cela ne vous fait rien. Ils rêvent d'entrouvrir les portes d'un monde dont l'accès leur est interdit. Alors, ils reniflent, se renseignent, apprennent à combien se chiffre la fortune d'un tel ou d'un tel, quelle dot lui a apporté sa femme, combien il dépense pour l'entretien de sa maîtresse, s'il en a une, etc., etc. On les chasse! Mais ils reviennent à la charge et finissent par tout savoir sur les gens de la société. Mais pourquoi se donnent-ils tant de mal? Là, vous m'en demandez trop, monsieur. Peut-être espèrent-ils, grâce à leur savoir, obtenir un jour quelques protections, quelques faveurs. Peut-être rassemblent-ils simplement ces renseignements comme d'autres les timbres, les pipes ou les pièces de monnaie. Des punaises, vous dis-je, monsieur. Oh, pardon. Mais à qui ai-je l'honneur? Prince Léon Nikolaïevitch Mishkin. C'était « L'idiot », un feuilleton de Georges Govy inspiré de Dostoïevski, avec Pierre Vanek, Jean-Jacques Delbeau et Marcel Bozuffi. Musique d'Edgar Cosma. Production réalisée dans les studios de la RTF à Nice par Yves Dariet, avec la collaboration de Jacques-Élie Moreau et le concours de la troupe dramatique régionale.